Chapitre 11. La petite maison de Passy. Je savais, par le juge d'instruction M. Hébert et par les indiscrétions venues de la prison, que le malheureux était anéanti. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, restant étendu, sans un mouvement, sur sa couchette. Tout le monde l'incitait à avouer, lui disant qu'il serait sûrement acquitté. Il ne répondait pas. Je n'avais reçu qu'un mot de lui. « Occupe-toi de sa tombe. Deux places, une pour elle, une pour moi. Et maintenant, j'ai hâte de me retrouver avec lui dans la seconde visite qu'on lui fit faire au lieu du crime. Averti, je m'y suis rendu avec les magistrats. Rouletabille n'était pas encore arrivé. J'eus une courte conversation avec le juge d'instruction et lui fis part naturellement de tout ce qui pouvait servir mon ami et client, notamment son attitude avec moi, si peu d'instants après le crime, alors que, de toute apparence, il l'ignorait encore. Mais M. Hébert paraissait avoir son siège fait. À tout ce que je pus lui dire, il ne répondit qu'en haussant les épaules et qu'en caressant, d'un geste un peu agacé, ses favoris poivre et sel qu'il portait à l'ancienne mode. Autour de la villa, jusque dans l'impasse, malgré le service d'ordre, il y avait une foule incroyable. Les journalistes étaient, comme toujours, encombrants. Mais pas un n'avait été admis dans la villa. Pressé par les événements, au moment de la découverte du crime, je n'ai donné aucune indication, même sommaire, des lieux. Du reste, je n'avais rien vu que Rouletabille et les deux corps. Aujourd'hui, regardons. Cette villa, perdue tout au fond de Passy, était charmante. Ce n'était point d'hier que Roland Boulanger l'avait louée pour venir s'y distraire du travail formidable qu'il fournissait par ailleurs. Ce sont là des détails qui nous furent révélés par l'enquête. Mais il y a cent à parier contre un qu'il fit entendre à Ivana, comme précédemment à Théodora Luigi, qu'il avait acquis, meublé, arrangé ce petit coin pour son amour du moment, le seul qui compta à ses yeux, comme toujours. Cette villa avait été certainement ce qu'on appelait dans le temps une petite maison. Elle datait du XVIIIe siècle, avec un rappel du style jésuite, dont les consoles renversées et les pilastres mêlaient un peu de majesté ridicule au rococo de l'ensemble. Bref, elle était d'un mauvais goût adorable sous la grisaille du temps. J'imaginais qu'elle avait dû être horrible à l'état neuf. Au fond de son nid de verdure, cette vieille chose était plaisante à trouver pour des amoureux. Mais les boiseries de l'intérieur, assez bien conservées, rafistolées du reste avec art, étaient à se mettre à genoux. Les pièces du rez-de-chaussée, fort humides, étaient condamnées. On accédait au premier et unique étage par un escalier de marbre dont la balustrade de fer forgé était remarquable. Tout l'étage était des plus galants. Dans les trumeaux, bergers et bergères se bousculaient avec une audace à peine effacée. Dans la salle à manger, une merveilleuse tapisserie de Beauvais, une bergerade d'après F. Boucher, tenait tout un panneau. Les meubles, les fauteuils Louis XV, étaient recouverts de gobelins représentant les fables de La Fontaine, d'après Oudry. Cette salle donnait directement sur la chambre à coucher, dont deux fenêtres ouvraient sur le jardin et dont les deux autres fenêtres, donnant sur la venelle dont nous avons eu l'occasion de parler, étaient toujours closes avec leurs volets fermés. Il y avait là un immense divan qui servait de lit, un tapis persan de plus haut prix et, sur le mur, debout derrière le divan, une garniture de lit en satin blanc brodée d'applications de velours cerise du XVIe siècle, du plus curieux effet. Derrière la chambre, un cabinet de toilette, salle de bain. Une porte donnée de ce cabinet sur un escalier de service qui descendait au jardin et au sous-sol où se trouvait la cuisine. Celle-ci ne devait pas servir souvent. Les services de vaisselle et de verrerie s'y trouvaient rangés dans des armoires pleines d'ordre et de poussière. J'ai noté les débris d'un goûter qui se trouvait sur le guéridon de la salle à manger. J'aurais pu parler du goûter tout entier car on y avait à peine touché. Des gâteaux, une bouteille de vin d'Espagne que Roland Boulanger avait certainement apporté lui-même. Le jardin était assez profond devant la villa. Il était mal tenu, avec des arbres tout rabougris de vieillesse. J'ai dit que le fond de la villa était adossé à une venelle. Le devant des jardins donnait sur l'impasse La Roche. C'est là qu'était l'entrée, avec une grande grille que l'on n'ouvrait jamais et qui était close de volets de fer, et, à côté, une petite porte de chêne vermoulu à Judas. Au coin de l'impasse Laroche et de l'avenue Rameau, il y avait une boutique de coiffeur. Pour peu que ce coiffeur ne fût point assailli par la clientèle et qu'il aimât à musarder sur son seuil, il ne pouvait manquer de remarquer ceux qui entraient et sortaient par la petite porte de chêne. La boutique avait une enseigne, Marius Poupardin, coiffeur, entre deux plats à barbe. La propriété possédait encore une autre sortie, aux trois quarts dissimulée, sous un envahissement extraordinaire de lierre et de plantes grimpantes. C'était cette porte par laquelle on avait vu sortir Rouletabille, porte donnant à l'extérieur sur un terrain vague, envahi d'ordures ménagères, un vrai dépotoir. À l'intérieur, elle ouvrait sur un petit chemin dallé de briques moussues qui traversait les hautes herbes d'un jardin fruitier rendu à l'état de nature et aboutissant directement à une porte basse de la villa donnant sur l'escalier de service. Je crois bien avoir donné toute la topographie utile, sinon à la compréhension du mystère qui reste opaque, du moins à la connaissance des lieux où il se déroule. Et maintenant, assistons à l'arrivée de Rouletabille. De grands bruits extérieurs l'annoncèrent. On nous l'amenait dans un autotaxi entre deux agents de la sûreté. Des cris de « Vive Rouletabille !» partirent d'un peu partout, dans la foule qui se pressait autour de la villa. C'était déplorable. La petite porte s'ouvrit et il apparut. Dieu, qu'il était pâle! Il ne semblait plus que le fantôme de lui-même. Cependant, il avait aux yeux une flamme ardente qui révélait le feu intérieur qui le dévorait et qui brûlait ceux qui le regardaient. Combien en ai-je vu détourner la tête sous cet éclair insupportable? Son regard, dans l'instant, semblait vous dire « Pourquoi êtes-vous ici? En quoi cela vous regarde-t-il, ce drame qui s'est passé entre ce monsieur, ma femme et moi? Pourquoi tout cet appareil de justice? Je le connais depuis longtemps. Je n'en suis pas accablée. »